Bakemina avec Peyo et Tapanchoa. Bakemina qu'on pourrait traduire par en manque de paix. Un message de paix donc dans cette chanson qui rappelle que la voie du dialogue est la voie du bonheur. Un titre qui résonne très fort en ces moments troublés. La musique d'ici, c'est l'occasion pour nous tous les après-midi d'explorer, de découvrir des artistes, des styles musicaux différents. Alors, un petit peu de folk, ça vous irait? Ben oui, par exemple Corancy, un des groupes de folk qui s'exporte très bien dans le monde entier. Agush Barandiaran en est le leader avec son accordéon diatonique, le trikitisha. Et à chaque prestation du groupe, c'est mieux comme ça. À chaque prestation du groupe, Corancy est accompagné des danseurs basques sur scène. C'est toujours un très très beau spectacle. Corancy dans quelques instants, mais aussi Inoun, Eshnebeltsa et Tahamak. Restez avec nous sur France Bleu Pays Basque. Le Pays Basque, à votre service, Stéphane Clavery. Vous continuez à prendre la parole demain matin, 9h-10h. C'est l'un des plus vieux parasites connus par l'homme. Il avait disparu dans les années 50. Il est de retour et depuis 2017, plus d'un foyer français sur 10 a déjà été infesté par les punaises de lit. C'est un fléau, on en parle demain matin. Vous avez déjà eu des punaises à la maison. Vous avez réussi à vous en débarrasser. Vous témoignez sur Facebook ou au téléphone. Je compte sur vous demain matin, 9h-10h. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Du 21 octobre au 4 novembre, Sorcières et Trésors envahissent Amet Sando. Plongez dans un décor magique et devinez le juste prix des cadeaux ensorcelés pour tenter de gagner des milliers d'euros de cadeaux. Participez aussi à notre chasse aux chauves-souris pour emporter un voyage inoubliable. Ouverture exceptionnelle le 1er novembre. Plus d'infos sur ametsondo.com. 16h-17h sur France Bleu Pays Basque, la musique d'ici. Zelako sasoian irrita farra Azkenik asto batekin tratua egin beharra Tratua egin beharra sasoian irrita farra Alargo nuzen da hortxe daukazu erte bakarra Erra baina bizkea ize pekatu tristea Pekatu nitristeiena sasoian joazten ustea Zaunka eta zaunka gauean ilargiari Haren zaunka gora bera ilargiak beti argi Ilargiak beti argi gauean ilargiare Maitearen begietan ikusten ditut izarbi Izarrik ez bada ere bileia heder birade Zeinetatik sartuko nez baiteak igerri gare ilargiak beti argi gaue hameteak ilargiari maitea begiak beti argi ikusten ditu bertan izarbi ilargiak beti argi gaue hameteak ilargiari maitea begiak beti argi ikusten ditu bertan izarbi Esperanza. Doris. beltza, hori zu haotxa, ara bizikoza, zertan datza. Esperanza. Hemen dago zuen, maitezko bezuen, zinezko musuen, esperanza. Esperanza. Tori su aucha, ara visi posa ser pandaza. Esperanza. Bon après-midi avec la musique d'ici sur France Bleu Pays Basque. zaituzten lehen harria Nabas de Tolosan, kate armaria Amaiurko guda, une mingarria Nafarre reinua, gaurko euskal herria Nire aitaren etxea, defendatuko dut Nire amaren etxea, defendatuko dut Nire aitaren etxea, defendatuko dut Nire amaren etxea, defendatuko dut Pays Basque. Demora izauri gehienak baititu sendatzen Oberena bakarri geldirezan dut eskatzen Urteek beren bizkarretan eraman ditzaten Miseria eta pena eguneko porroitzapen Euriak ez abadezala Gutarteko azken borroka Euriak ez abadezala Gutarteko azken borroka Azken hatza Haizeak baititu eramaiten gure promesak Eraman bizala berdik gure izko borrak Gutartean kolpeka erabiltzen ditugunak Baizeniko doletan ez hartzen gaituztenak Euriak Zala Gutarteko Azken borroka Euriak Ez abadezala Gutarteko Azken borrokaren Azken hatza Eta luzatu Beriotzak kukan dezala Berezitako atxedena nor nahi bezala Euriak ezaba dezala langarre doiasa Gutarteko azken borrokaren azken atza Euriak ezaba dezala Gutarteko azken borrokaren Robles en mode pop rock. Alors, on le connaît bien sur France Bleu Pays Basque, Gorka Robles. Il est là tous les matins avec Lucas Espoudoua dans la matinale et puis aussi le dimanche sur Radio Kutsu. Gorka Robles avec une facette qu'on ne lui connaissait pas en mode donc pop rock. Il nous avait agréablement surpris fin 2018 avec son album Askenatsa, un disque très très réussi. Si vous nous rejoignez sur France Bleu Pays Basque, bien c'est la musique d'ici avec les artistes de chez nous, les artistes qu'on aime bien. Nous aurons dans quelques instants Dianouche Lechter. Comme je vous le disais tout à l'heure, il sera samedi en concert à Mendion. C'est à ne pas rater. Et lui, il représente la génération pop. Donc après Dianouche Lechter, on va aussi écouter dans un répertoire plus folk Pierre-Paul Versailles et puis Oshkouri en version live avec Juan Carlos Pérez. Voilà, de la musique comme on aime, la musique d'ici, sur France Bleu Pays Basque, c'est pour vous, et c'est jusqu'à 17h. Cette semaine, jouez à Sacolo Basque et gagnez un cadeau, deux salles, deux ambiances. Imaginez, l'hôtel Le Rivage, un hôtel 3 étoiles à Châtelaillon-Plage, à 15 minutes de La Rochelle. Votre chambre avec balcon vue sur Fort Boyard et les îles d'Aix, Ré et Oléron. Votre petit déjeuner bio servi dans la véranda vue sur mer. Et l'accès à l'espace sauna hammam. Deuxième salle, le Stade Rochelet. Le 11 novembre, l'aviron bayonnais se déplace chez le double champion d'Europe et on vous a réservé deux places pour pousser les ciels et blancs aux côtés de la Peña Bayona. Un week-end de détente et de rugby à gagner en jouant à Sacolo Basque entre 11h et midi. France Bleu Pays Basque, la musique d'ici. Badugunez, landako enpomenez, galdu gaitezen orain, bizi gaitezen orain, besarkada gardenez, estutuaz eginez, galdu gaitezen orain, bizi gaitezen orain. Agun txantitzea, egin zidan erortzea, gau aldeko ordu iluna, egunera luzatzea. Zenak ezindu, lehen nintzena ezagutu, buruz bera nuen ustia, betirako dut agurtu, desagertu. Batzokoak hasiera ekarri du, aukera bat dugunez, landako enpomenez, galdu gaitezen orain, bizi gaitezen orain, besarkada estutuaz eginez, galdu gaitezen orain, bizi gaitezen orain. si l'ar es patai duri oi hanian goi san goe kia paradin ure artin sartzen oueten begia biotzian egiten edize Sinel kisko sauria Irustar synytyria kobla kari Denek sure bihotzian nahi kobla kari Sitaz gyttyt syegari Senden besala korpitza hosten txenditzian Zure berotar zunila jinnuzu bizitzian Iziantako amodiuaz zik bihotza gaintitzian Sen deik gusia kobla kari denek zure bihotzian nahi kobla kari zetaz gutut zuegarri Plotxa gabe txutik zira Frantzieta Espainian Zure lana egalataturik Betiko zelulurian Eskualerri gusian Zure bihotzian nahi kobla kari Zitaz gütüt zue garri kobla kari, denek zure bihotzian nahi. Kobla kari, zitaz gütüt zue garri. on est au Pays Basque. Sur France Bleu, on écoute la musique d'ici. Mutitzen zuen atipo normala, gorputze zez naiz ez naz meharra. Armariua irekitzean, azten da nire, nire marmara. Praka pare bat pasatutxoa, besteak utre, kutre xamarra. Gure amazer nire zer jantzi, seguru zuen, zuen bakarra. Ezteko ezer honik ez eta, kalera irten, irten beharra. Ezteko ezer honik ez eta, kalera irten, irten beharra. Toka daukat, dauka bergia Batak itzali besteak erre Hoi duten ide nire aurpegia Nabarmentxo haotza motela Iluna eta argia Izpiluok eta idore horrek No dauka bere, bere egia Alde batera neutroa nago Bestera sexi, sexi egia Alde batera neutroa nago Bestera sexi, sexi egia Yeah. On termine tout en douceur avec Labrit. C'est une artiste de Guipouscoa qu'on aime beaucoup, même si on trouve qu'elle se fait un petit peu trop rare. Hein, on aimerait la voir un peu plus souvent. Les chansons de Labrit dégagent une sorte de sérénité très agréable. C'est léger et c'est toujours très très élégant. On va laisser la musique d'ici en pause jusqu'à demain, 16h. Ben, j'espère que vous aussi vous avez passé un agréable moment en notre compagnie sur France Bleu Pays Basque. Demain, on se retrouve pour un autre voyage musical à travers le Pays Basque. Je vous laisse dans quelques instants en compagnie de David Talek pour les affaires classées et ensuite pour 100% rugby. Très bonne soirée, prenez soin de vous. Merci et on se retrouve très vite bien sûr sur France Bleu Pays Basque. Et couche Arte. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à votre région. Ici, c'est France Bleu Pays Basque. Vous êtes bien sur France Bleu Pays Basque en ce 18 octobre. Il est 17h, tout juste, place à l'info. L'info à 17h, présentée par Simon Cardona ce soir. Bonsoir Simon. Attendez, parce qu'avec le micro, ça marche beaucoup mieux. Attendez qu'on vous l'allume, si on y arrive à un moment donné. Non, c'est pas celui-là, c'est pas le bon non plus. Encore un peu. Un peu plus sur la gauche. On va changer de micro, Simon, ça va être beaucoup plus simple. Et je vais en profiter pendant ce temps-là pour vous parler de la météo. Pour ce soir, le ciel s'est dégagé. Et pour demain, jeudi, on prend les mêmes et on recommence. Le soleil fera de belles apparitions tout au long de la journée. On attend pas mal de vent également demain après-midi. Un vent de sud qui soufflera à 85 km/h. Ça donne des températures de 12 à 14 degrés dans la matinée, entre 24 et 25 l'après-midi. Et pour l'information, à 17h, c'est à vous, Simon Cardona. Bonsoir David. L'aéroport de Biarritz s'est évacué pendant près d'une heure à cause d'une alerte à la bombe envoyée par mail. Entre 12h30 et 13h45, le bâtiment a été vidé de son personnel. Il n'y avait pratiquement aucun voyageur à cette heure-là, puisqu'un avion venait de décoller et que le prochain devait arriver plus d'une heure après sur le tarmac. Le trafic n'a donc pas été perturbé. En France, aujourd'hui, au moins 9 aéroports ont eux aussi été évacués pour des alertes à la bombe. Un avis de disparition inquiétant est lancé par la police de Saint-Jean-de-Luz. Un adolescent a disparu depuis 9 jours, depuis le lundi 9 octobre. Il a quitté son domicile de Cibourg sans argent et sans téléphone. L'inquiétude est vive car ce garçon d'origine vénézuélienne souffre de troubles autistiques. Gwenaël comprend le français mais ne parle que l'espagnol. Sur francebleu.fr et sur votre application ici, on vous a mis sa description complète et le numéro d'urgence à appeler si vous croisez cet adolescent originaire de Cibourg. Une manifestation à Bayonne devant un bureau de notaire fait casser une vente. Le syndicat ELB et l'association L'Ours Indien ont mené une action ce matin pour obtenir l'annulation de la vente d'une propriété agricole, 4 hectares à Saint-Pé-sur-Nivelle. L'acheteur n'est pas agricole, il travaille dans l'immobilier. Acheteurs et vendeurs doivent se réunir de nouveau dans les prochaines semaines pour conclure une vente qui laissera aux terres leur destination agricole. Au Proche-Orient, Israël autorise de nouveau l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les soignants, les ONG devront passer depuis l'Égypte pour secourir la population palestinienne. La bande de Gaza meurtrie après l'explosion d'un hôpital. Hier, on compte au moins 200 morts. Le président américain Joe Biden, en visite à Tel Aviv, a affirmé que des données américaines disculpaient l'armée israélienne dans cette explosion. Cet après-midi, le bilan français s'est encore alourdi à 24 morts. 7 Français sont toujours portés disparus. À Paris, le ministère de l'économie prolonge le prêt à taux zéro pour aider les ménages modestes. Oui, ceux qui souhaitent acheter un logement. Le prêt à taux zéro sera augmenté à 100 000 euros maximum. Il sera étendu en 2024 à plus de ménages et davantage de villes. Elle a 3 ans aujourd'hui et elle est en pleine croissance. La French Tech Pays Basque vient de se voir renouveler son son label pour les trois prochaines années. Aujourd'hui, la French Tech Pays Basque compte 150 membres, pour moitié des entreprises, des start-up, environ 1000 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulés. Et puis, les vendanges sont terminées depuis une dizaine de jours en Irulegui et le bilan est plutôt positif pour les vignerons. En fait, c'est l'arrière-saison qui a sauvé un raisin attaqué par le mildiou, mais aussi l'orage et la grêle en début d'été. Les quantités devraient donc être moyennes, mais la qualité s'annonce très bonne. Et c'est bien là l'essentiel. Bah exactement, c'est la qualité qu'on cherche, pas forcément. Voilà, tant qu'il est bon, après le reste, avec modération, hein, par contre. Et oui, on va le rappeler. Beaucoup de la qualité et pas beaucoup de quantité. Voilà, exactement. Pour déguster. demain jeudi, ça pourrait être idéal, par exemple en terrasse, pour déguster un petit Irulegui. Le soleil fera de belles apparitions tout au long de la journée. On privilégie quand même l'après-midi hein, pour l'apéro et on oublie la matinée quand même. Beaucoup de vent aussi demain, vent de sud-ouest, des rafales attendues à 85 km/h. L'après-midi, et ça donne des températures en baisse, vous vous en doutez. Entre 12 et 14 degrés le matin, là on peut sortir la petite laine. Dans l'après-midi, bon, 20 degrés sur le relief, entre 24 et 25 sur le reste de la région. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. Demain, on sera quand même le 19 octobre. Et oui. Je le rappelle, non pas le 19 juin. Hein, on est d'accord. Merci Simon, à tout à l'heure, 18h. À 18h. Alors, on fait comme ça. La météo 100% locale avec IGC, constructeur de maisons depuis 40 ans. Retrouvez-nous sur www.igc-construction.fr. Le 17-18 sur France Bleu Pays Basque avec David Talek. À 17h05, donc à l'heure de l'apéro, bah ça on vient d'en parler. Beaucoup de choses sont prévues jusqu'à 18h sur France Bleu Pays Basque avant d'aller retrouver Dominique Bourdeau et Arnaud Carré pour le MAG 100% Coupe du Monde de rugby ce soir. On vous parlera de musique avec le collecteur du jour Nicolas Lespaul. Nous parlera d'un véritable hymne à l'amour signé Jean-Jacques Goldman mais interprété par Céline Dion, le fameux « Pour que tu m'aimes encore » qui était destiné à son Mehri René. C'est ce que nous racontera Nicolas Lespaul tout à l'heure. Dans les coulisses de la télé, gros plan sur le retour de l'excellente série policière de France Bleu intitulée Les Invisibles. Eh bien, les Invisibles sont de retour pour une saison 3 ce soir sur France 2. Patrice Gaspin va nous emmener dans les coulisses, non pas du petit écran, mais de cette série Made in France. Un film Made in France également à l'honneur ce soir. Dans le coup de cœur de France Bleu Pays Basque, on vous emmène à la rencontre du réalisateur Thomas Caillet qui a sorti il y a deux semaines son deuxième long métrage, Le Règne Animal, avec Romain Duris, Adèle Exarchopoulos et le jeune, mais non moins excellent, Paul Kircher. On a rencontré Thomas Caillet à l'occasion de l'avant-première du film qui avait lieu il y a quelques semaines à l'Atalante, le cinéma d'art et c'est bayonnais, morceau choisi de cette entrevue à découvrir à partir de 17h35 dans le coup de cœur de France Bleu Pays Basque ce soir. Et évidemment, les affaires classées de Thierry Sagardoito, c'est dans quelques instants seulement. Aujourd'hui, on va revenir dans la soirée du 30 septembre 1964. Dans cette soirée, un jeune maçon de 37 ans abat à bout portant l'amant de son épouse d'un coup de carabine. Pourquoi ce différend conjugal s'est-il achevé dans un bain de sang? Quand la passion amoureuse conduit au drame, c'est l'affaire classée du jour avec Thierry Sagardoito. Le temps de se secouer un peu les hanches quand même avec le roi de la pop, Michael Jackson, et sur France Bleu. Woo! She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who dance on the floor in the round. She said, I am the one who dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean, and she caused a scene. Then heavy hair turned with the eyes to dream of being Imagine par Michael Jackson. C'est sur France Bleu Pays Basque à 17h10, l'heure de se plonger dans les affaires classées. Affaires classées sur France Bleu Pays Basque. Sur France Bleu. Notre chroniqueur judiciaire Thierry Sagardoito nous propose une nouvelle fois de plonger dans les archives judiciaires du département. Aujourd'hui, nous remontons le temps à l'automne 1964. Un tragique fait divers a secoué la paisible ville de Naï, en Béarn, un soir de septembre. Thierry, que s'est-il donc passé ? En cet automne 1964, un fait divers alimente bon nombre de conversations à Naï et alentour. Dans la soirée du 30 septembre, un employé maçon a tué d'un coup de carabine celui qu'il suspectait d'être l'amant de sa femme. Le drame s'est produit en plein centre-ville, sur les allées Chanzy. Il est 20h20. Face au café Montjouste, Roger, 37 ans, croise André, 30 ans, garagiste à Naï. Depuis plusieurs mois, ces deux hommes se regardent en chien de faïence. Ils se détestent ouvertement. La cause de cette haine réciproque, c'est Libertad, l'épouse de Roger. Née à Santander, mariée depuis 1952, la belle et grande dame brune suscite bien des convoitises masculines. Mère parfaite de leurs trois enfants âgés de 8, 10 et 12 ans, elle est aussi une femme passionnée et amoureuse en dehors du ménage, installée 15 rue Saint-Vincent à Naï. Depuis 3 ans, il se murmure de plus en plus fort qu'elle serait la maîtresse d'André, un jeune garagiste. La rencontre fatale se produit à la nuit tombée. Roger rentre à son domicile. Face au café, il croise André, son rival. « Connard !» lui lâche ce dernier. Le sang de Roger ne fait qu'un tour. Malgré l'injure, il passe son chemin, faisant mine de ne pas répondre. Du moins pour l'instant. Cette fois, Roger veut en avoir le cœur net. Il veut une explication en présence de son épouse. Roger presse le pas et regagne son domicile. Le mari cocu ne croit pas un mot à ses rumeurs d'adultère. Il croit Libertad innocente. Pour laver l'affront, une bonne fois pour toutes, Roger vient la chercher. « J'ai encore croisé l'autre, suis-moi » lance-t-il à son épouse. Avec aplomb, Libertad fait mine de ne pas comprendre. Elle joue la vierge effarouchée. Avant de quitter le foyer, Roger s'empare d'une carabine de 12 mm. Une seule cartouche est prête à l'usage. Servira-t-elle ? Roger et Libertad sortent du domicile. Ils se rendent à pied au centre-ville. La rencontre fatale aura bientôt lieu. Ces deux jeunes naillais se vouent une haine réciproque. L'un soupçonne l'autre d'être l'amant de son épouse. Un soir de septembre, ils se croisent, fortuitement, en plein centre-ville. L'explication tant redoutée va bientôt avoir lieu. Mercredi 30 septembre 1964, il est bientôt 21h. La nuit est déjà tombée sur la ville de Naï. Les rues sont quasi désertes. Dans la pénombre, un homme et une femme marchent d'un pas alerte depuis leur domicile situé rue Saint-Vincent, en direction des allées Chanzy. La même où Roger a croisé André quelques minutes auparavant. Roger est armé. Il porte une carabine 12 mm à la main droite. Il rumine. Cette fois, il veut une explication. Entre hommes, ça ne peut plus durer. Il veut savoir si Libertad, son épouse, est bien la maîtresse d'André, ce jeune garagiste dont la rumeur insistante raconte qu'il serait l'amant de sa femme. Arrivés sur les allées Chanzy, les deux époux aperçoivent André. Sous un réverbère, ils discutent avec Jean-Marc, un copain. André est bien loin de deviner ce qui va se passer. À l'angle du chemin Sayette et des allées à 2 pas du pont du Gave, l'endroit est quasi désert. Roger agrippe son arme. Le sang va bientôt couler. Le face-à-face tant redouté se produit. Enfin. « Écarte-toi, Jean-Marc, sors de là !» lance Roger à l'homme qui papotait face à André. Surpris, André se retourne. Il aperçoit Roger armé d'une carabine pointée dans sa direction. Pressent-il que sa dernière heure a sonné ? Sans doute pas. Il fait mine de ne pas comprendre. André s'avance vers Roger. « Quoi, quoi ?» lance-t-il. Ivre de colère, le jeune maçon presse la détente. L'explication entre hommes n'aura finalement pas lieu. Déterminé à en finir, Roger ouvre le feu. L'unique cartouche logée dans sa carabine 12 mm explose. Elle frappe le foie d'André à bout portant. André s'écroule, ensanglanté. Libertad hurle. Alerté par la détonation, plusieurs clients du café sortent sur le trottoir. On appelle la gendarmerie, plusieurs badauds s'approchent. Ils tentent de porter secours à la victime. En vain. Le médecin de garde, le docteur Landra, arrive peu avant les pompiers. André est dans un état désespéré. L'explication tant redoutée entre les deux hommes s'est donc achevée dans un bain de sang. Thierry nous raconte cette funeste soirée de septembre 1964. Il est 21h15, ce mercredi 30 septembre 1964. L'estafette des gendarmes de Naye arrive près du pont du Gave. Sur place, les militaires découvrent un homme allongé au sol. Selon le médecin, il est dans un état désespéré. Les pompiers le prennent en charge, direction l'hôpital de Pau, Courbosquet. « Qui a tiré ?» demande l'adjudant. Les témoins désignent Roger. Assis sur un banc, l'assassin présumé semble hébété. L'arme du crime, une carabine pliée en deux, est jetée au sol, au bord du trottoir. Libertad, son épouse, se tient debout, indifférente, presque étrangère au drame sanglant qui vient de se dérouler sous ses yeux. Mesure-t-elle quelle est la cause de ce bain de sang ? Les gendarmes passent les menottes à Roger. Il est en état d'arrestation. Sa garde à vue débute, direction la brigade de Naye, place Saint-Roch. Durant 48 heures, il devra expliquer comment le maçon calme et pondéré s'est mué en assassin, un soir de septembre 1964. Le canton de Naye est sous le choc ce jeudi 1er octobre 1964. Dans la nuit, André s'est éteint à l'hôpital de Pau, peu après son admission. Le drame survenu la veille est au cœur de toutes les discussions. Comment Roger, 37 ans, un maçon estimé de tous, décrit comme un ouvrier vaillant, s'est-il soudainement mué en meurtrier ? À Naye, chacun a son explication. Beaucoup connaissaient la rivalité qui opposait les deux hommes, mais peu imaginaient que cette haine amoureuse s'achèverait par la disparition de l'un d'eux. Pourtant, les gendarmes naïais connaissaient bien les deux acteurs du drame. Deux mois plus tôt, ils en étaient venus aux mains. Après avoir copieusement insulté Roger de sale cocu en public, André lui a infligé une sévère correction. Bilan, 8 jours à l'hôpital. Insulté, bafoué, ridiculisé, Roger, le mari trompé, n'en peut plus. Il menace de plus en plus de supprimer son bourreau. Mais personne ne le croit. Et pourtant, les altercations continuent. Quelles autres révélations l'enquête de gendarmerie livrera-t-elle après ce drame survenu ce soir du 30 septembre 1964 en plein cœur de Naye, en Béarn ? Vous le saurez après la pause dans Affaires classées avec Thierry Sagardoito. France Bleu Pays Basque. France Bleu. Affaires classées. Avec Thierry Sagardoito. You see tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel me feel. Tiran avec Celestial sur France Bleu Pays Basque, 17h21, les affaires classées reviennent dans quelques secondes. Les coups de pouce de l'emploi. Avec le retour de Ghislaine Lesca pour vous proposer une offre d'emploi avec toi cette semaine. Ouais, salut Alex Signé. Oui, une offre d'emploi opérateur pliage, l'entreprise Inox Pyrénées. Un petit coucou à Florent Canini. Et ben voilà, un petit coup de pouce également. Avec toi Benjamin, on va présenter le profil d'Ahmed, un préparateur de commandes. Un baroudeur qui souhaite aujourd'hui se poser. Bon, ça c'est beau. Et puis wow. Enfin, pour terminer, on prendra des nouvelles de Wassirou qu'on avait découvert lors de la deuxième émission. Rendez-vous ce week-end, c'est samedi à 8h40. Préférez MAF Pro. Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur? Peur de quoi? Ben je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là? Tada! Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Affaires classées sur France Bleu Pays Basque. Sur France Bleu. Cet après-midi, aux côtés de notre chroniqueur judiciaire Thierry Sagardoito, nous remontons le temps jusqu'au 30 septembre 1964. Un maçon naillet de 37 ans abat en pleine rue l'homme qu'il soupçonnait d'être l'amant de son épouse. Une explication virile qui a viré au bain de sang. L'enquête criminelle a maintenant commencé. Jeudi 1er octobre, il est 16h. Le procureur de la République de Pau arrive à la gendarmerie de Nailles, accompagné du juge d'instruction, M. Laborde de Batte. Les deux magistrats vont assister à la reconstitution du drame survenu la veille en plein centre-ville de Nailles. Une foule nombreuse de curieux assiste en silence à la scène. Chacun remarque la froideur de Libertad, l'épouse de Roger. Impassible, lointaine, elle n'exprime aucune émotion lorsque son époux mime l'instant fatal où il a appuyé sur la gâchette. Elle a assisté au drame funeste du début à la fin. Depuis le domicile conjugal situé rue Saint-Vincent jusqu'au pont du Gave, pas une seule fois elle n'a tenté de dissuader Roger d'assassiner son rival. Ne devinait-elle pas ce qui allait se jouer? Selon bon nombre de commentaires, c'est elle, la garce. Sans ses infidélités volages, jamais rien ne se serait produit selon la rumeur publique qui agite les discussions de comptoir. Roger est inculpé de meurtre. Pour ce meurtre passionnel, Roger risque la prison à perpétuité. Escorté par deux gendarmes, il part une valise à la main. Un détail indigne les curieux massés devant la brigade. À l'instant où Roger s'assoit dans la voiture qui va le conduire à la prison de Pau, Libertad, son épouse, est là, encore, froide, imperturbable. À la surprise de tous, celle qui passe pour l'instigatrice ou la complice du crime, aux yeux de certains, embrasse son époux une dernière fois. Pas rancunier pour deux sous, Roger la quitte, définitivement. À Nailles, chacun s'interroge. Comment Libertad est-elle encore en liberté? Elle qui a joué un rôle prépondérant dans la genèse de ce drame passionnel. Voyant qu'il s'armait d'une carabine, elle pressentait nécessairement ce qui allait se produire. Mais pas un seul instant, elle n'a tenté de le raisonner, voire de le dissuader. Elle l'a suivi, impassible. Sa froideur choque certains, mais la justice paloise va finalement s'intéresser au sort de l'épouse volage. Nous sommes désormais un mois après le drame. Un surprenant rebondissement va alors survenir. après le drame sanglant des allées Chanzy-Anaï, l'enquête judiciaire rebondit. Le juge d'instruction palois interroge Libertad, l'épouse de Roger, au palais de justice. Une audition de routine, sauf que, à l'issue de cet interrogatoire, Libertad est inculpée à son tour. Certes, elle a bien confessé qu'elle était la maîtresse de la victime, ce qu'elle niait auparavant. Mais la justice lui reproche de s'être sciemment abstenue d'empêcher Roger, son époux, de commettre le meurtre d'André, son amant. En clair, pressentant le drame qui allait se jouer sous ses yeux, Libertad n'a absolument rien fait pour dissuader Roger, son époux, dans son funeste projet. Pour ce délit, la belle jeune femme native de Santander risque 5 années de prison. À l'issue de sa comparution, elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Pau, la même où Roger entame sa 28e nuit de prisonnier. À Naï, l'inculpation de Libertad fait les gorges chaudes au café du coin. Mercredi 26 mai 1965, le procès criminel s'ouvre 8 mois à peine après ce drame de la jalousie et de la haine sous les tilleuls du centre de Naï. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Les deux époux sont assis côte à côte dans le box des accusés. Roger, le maçon meurtrier, affirme la main sur le cœur. Il ne se doutait de rien. Il a appris l'infidélité de son épouse sur le tard. Mais une vilaine rumeur circulait. Roger était cocu à un point tel qu'il ne passait plus les portes. André, le joli cœur de son épouse, ne se contentait même plus de la courtiser. Il s'en vantait publiquement. Provocateur, il insultait et défiait le mari trompé au point de le frapper en public. Jaloux, exaspéré, humilié, Roger aurait même demandé à son épouse de divorcer. Libertad a refusé selon lui. Le mari cocu a maintenant ouvert les yeux. « Elle a du diable dans le sang », s'écrie-t-il devant les jurés. Après 50 minutes de délibéré, le verdict tombe sous les applaudissements du public. 2 ans de prison avec sursis pour chacun des époux. Une affaire dorénavant classée. Une affaire à retrouver à tout moment sur francebleu.fr ou sur notre application ici. Rendez-vous demain pour une nouvelle enquête qui nous ramènera à un froid matin de juillet 1921. Une fermière habitant Arkhang découvre le corps ensanglanté d'un inconnu gisant sur le bord de la route menant à Saint-Pé-sur-Nivelle. Selon les gendarmes, la victime a été exécutée de 2 balles tirées à bout portant. Qui est-elle? Et surtout, pourquoi a-t-elle été exécutée? Mauvais garçon, une affaire classée, comptée par Thierry Sagardoito, demain, dès 17h. Affaire classée sur France Bleu Pays Basque. Sur France Bleu. Une chronique à réécouter en podcast et sur francebleu.fr. 17h29, vos conditions de circulation, elles sont difficiles ce soir, c'est le moins qu'on puisse dire. Nos amis de l'auto-école Starter nous le confirmeront sûrement juste avant 18h où on les retrouvera, parce que déjà, pour l'instant, les pois chauds habituels sont déjà bien engorgés à l'échangeur Bayonne Nord, sortie numéro 6 sur la 63, celle qui vous mène au rond-point du Grand Basque, à l'avenue du Grand Basque et à l'avenue Henri de Navarre. Tout ce secteur est très emprunté ce soir, tout comme l'échangeur Bayonne Sud, la sortie numéro 5, celle du rond-point de la Jardinerie Lafitte, du boulevard d'Aritzac, déjà bien engorgé, l'avenue du 8 mai 45 aussi, sans oublier l'habituel itinéraire de délestage, à savoir la route de Piteuils, qui est déjà très empruntée également ce soir. C'est rouge sur nos radars également dans le centre-ville de Bayonne, sur le pont Saint-Esprit, sur le boulevard du BAB ou encore sur les allées marines. Autour du stade Jean Daugé, ça commence doucement à se remplir également, donc attention si vous arrivez dans ce secteur, surtout sur l'avenue du Maréchal Soult où c'est très compliqué de circuler. Compliqué également à Anglette, autour du collège Endara, sur l'avenue de Bayonne. Bon, dans les deux sens de circulation, c'est difficile, comme chaque soir, vous me direz. Et vous auriez tout à fait raison. Autour de Biarritz, ça commence aussi à être très compliqué. Autour du rond-point du Mousse, ce soir, l'échangeur Biarro, la sortie numéro 4, est pour l'instant assez épargné par les bouchons. Mais gageons qu'avec les minutes qui vont s'égrener, ça ne sera pas la même limonade d'ici une petite demi-heure. Sur Bidart, c'est déjà un peu compliqué de circuler sur l'avenue Chabadenia, en plein cœur du centre-ville de Bidart. Donc attention à vous si vous êtes dans le secteur. Partout ailleurs, ça a l'air de rouler plutôt bien. Si jamais une petite info nous aurait échappé, ça peut arriver, et que vous êtes au courant, n'hésitez pas à passer l'info au plus de monde possible en nous appelant au 05 59 59 17 17. L'infotrafic 100% local avec les cabinets orthopédiques FLD, Appuyo, Dax et Florac. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Pays Basque, ici, on parle d'ici. Le 17-18 sur France Bleu Pays Basque, avec David Talek. Juste avant 18h, le moment où on parlera de ballon ovale. On va parler de plein de choses dans le 17-18, vous en rendez pas compte. On va avoir de la musique, on va avoir le petit écran et le grand également. De la musique avec le collecteur du jour, Nicolas Lespaul nous parlera d'un hymne à l'amour signé Jean-Jacques Goldman, mais interprété par Céline Dion. Ça sera notre collecteur du jour. Dans les coulisses de la télé avec Patrice Gascoigne, gros plan ce soir sur le retour de l'excellente série policière de France 2 qui revient pour une saison 3. J'ai nommé Les Invisibles. Bon, ils sont invisibles, mais vous les entendrez tout de même. Le coup de cœur, ce sera du cinéma avec une rencontre autour du second long-métrage du réalisateur Thomas Caillet, un long-métrage intitulé Le règne animal, avec à l'affiche Romain Duris, Adèle Exarchopoulos et le jeune mais non moins excellent acteur Paul Kircher. On vous présente le film Le règne animal avec son réalisateur Thomas Caillet dans les prochaines minutes sur France Bleu Pays Basque. Un peu de musique avant. Bah oui, à 17h32, voici Michel Sardou. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. C'est jeudi. Il est 5h05, j'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et je marche sur la pointe des pieds comme les soirs où je rentrais après minuit pour ne pas qu'il se réveille. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâle. J'ai dit que j'étais très bien. Tout à fait clair, je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père a souri. En passant à côté de sa voiture, j'ai ressenti comme un drôle de coup. Je pensais que ce serait plus dur et plus grisant, un peu comme une aventure, en moins déchirant. Oh, surtout ne pas se retourner. S'éloigner un peu plus. Il y a la gare. Et après la gare, il y a l'Atlantique. Et après l'Atlantique. C'est bizarre cette espèce de cage qui me bloque la poitrine. Ça m'empêche presque de respirer. Je me demande si tout à l'heure mes parents se douteront que je suis en train de pleurer. Or, surtout ne pas se retourner ni des yeux ni de la tête. Ne pas regarder derrière. Seulement voir ce que je me suis promis et pourquoi et où et comment. Il est 7h05. Je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne un peu plus. Or, surtout ne plus se retourner. Jamais. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je vole, je vole. jamais égalé par Louane Emera, notamment dans le film La Famille Bélier. Mais là, c'était bien l'original. Il vole Michel Sardou. Il est sur France Bleu Pays Basque à 17h36, l'heure de notre coup de cœur. On parle cinéma avec une rencontre avec le réalisateur Thomas Caillet qui était venu il y a quelques jours présenter son deuxième long métrage Le Règne Animal en avant-première à l'Atalante à Bayonne. Le Règne Animal avec Romain Duris, Adèle Exarchopoulos et le jeune Paul Kircher. Un film qui raconte une histoire dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux. François, interprété par Romain Duris, fait tout pour sauver sa femme touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, Paul Kircher, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Rencontre à l'Atalante à Bayonne avec le réalisateur Thomas Caillet, morceau choisi de cette entrevue. Je voulais surtout parler avec vous de la dimension fantastique du film, ce qu'on pourrait appeler pour le grand public en tout cas le film de genre, qui, on va dire, prend de plus en plus de place dans le cinéma français. Votre film, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir lui aussi ouvrir encore un petit peu plus la porte à ce genre de film-là, film fantastique, film de genre, entre guillemets? Écoutez, je l'espère. En tout cas, on a essayé de faire un film qui soit à la fois ambitieux et populaire, quoi. C'est-à-dire que oui, il y a du fantastique, il y a du fantastique dans le film. Il y a surtout, avant tout, une histoire très humaine, quoi, entre un père et son fils, une trajectoire qu'on suit, qui se développe sur 2 heures. Donc je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture, il y a plusieurs moyens de l'attraper en fait ce film. On peut y voir une histoire fantastique, on peut y voir une histoire intime, il y a aussi du spectacle, c'est aussi un film d'action, il y a aussi des choses assez drôles dedans. En tout cas voilà, on a essayé de... Moi c'est ça qui m'intéressait dans cette histoire, c'était de pouvoir raconter ça avec un mélange des genres qui m'est cher, c'était déjà le cas de mon premier film. Voilà, j'espère que... D'ailleurs c'est un peu les retours qu'on a sur les projections, j'ai l'impression que chaque spectateur peut y trouve quelque chose de différent. C'est ça aussi l'équilibre, j'imagine, qui n'a pas dû être simple à trouver au moment de l'écriture du film pour justement garder cette dimension populaire là, le fait que le film puisse parler au grand public justement et y apporter cette dimension un peu plus fantastique justement. J'ai l'impression que à partir du moment où on s'intéresse vraiment aux personnages, où on en tant qu'auteur et après sur le plateau en tant que réalisateur, quand on met les acteurs au centre du dispositif, moi c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de communiquer quelque chose autour de leurs sentiments, autour de leurs relations. Donc c'est à ce moment-là qu'un film peut devenir plus universel. Alors moi j'ai ma petite idée sur la question, mais parce que vous parliez aussi d'un point de vue populaire, d'un film intime, parce qu'on parle d'un père et son fils, leur mère est malade. Si on enlève la dimension fantastique, c'est quand même quelque chose qui peut parler à tout le monde. Pourquoi justement avoir choisi d'y ajouter toute cette dimension avec les créatures, cette dimension un peu comme si ailleurs, quoi, en gros. Ça permet de pousser les curseurs plus loin. C'est comme une loupe en fait pour regarder le monde d'un peu plus près et voir assister à des dérèglements qui sont générateurs d'action, de comédie, d'aventure, de drame. Donc l'histoire est simplement plus riche et plus intéressante avec ça. Après c'est vrai que les questions de fond, elles sont celles que je pense tout parent peut se poser en élevant son enfant. C'est qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants en tant qu'enfant, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, hériter d'une culture, hériter d'un monde, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on peut réinventer un monde nouveau. Donc voilà, c'est des questions qui débordent largement le champ du fantastique, mais que le fantastique aide à voir peut-être plus clairement. Il y a aussi des échos au Covid qu'on a tous vécu, il y a des choses, voilà, ça permet quand même de pousser les curseurs de l'histoire plus loin. Un mot sur le casting aussi, bon, qui est incroyable. Romain Duris, Adèle Exarchopoulos, d'accord, ça on sait qu'ils sont talentueux. Le petit Paul Kircher, qui est absolument fantastique dans ce film-là. Comment vous l'avez travaillé ce casting-là? Quand vous avez vu Paul Kircher pour la première fois, par exemple, est-ce que vous vous êtes dit, c'est lui qu'il me faut? Comment ça s'est passé? Écoutez, j'ai vu 200 personnes, je pense, pour ce rôle-là. Il se trouve que Paul, c'est le premier à avoir franchi la porte du casting. Je pense qu'il aurait fallu, être aveugle pour pas voir le talent qui se dégage de lui, puis sa puissance, quoi. Il y a quelque chose. J'ai été dans une situation qui est rare, quoi. C'est d'être témoin de l'éclosion d'un talent manifeste, quoi. Il est extraordinaire. Il est très puissant. Je pense qu'il peut peut tout faire. Et je pense que c'est quelqu'un dont on va énormément entendre parler dans les prochaines années. Il y a une question aussi que je pose à chaque cinéaste que je rencontre. Avant une projection, justement, là, vous allez présenter votre film en avant-première à la Talente au moment où on se parle. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se disent à la sortie du film, ou vous disent même à la sortie du film? Non, mais je suis très curieux de ça, en fait. Hein. Je suis très curieux de ce que les gens vont penser. Mais évidemment, parce que ce qui m'intéresse, ce que j'attends, c'est de sentir de l'émotion, surtout, quoi. C'est de sentir de l'émotion. On a beaucoup de gens qui sortent avec les yeux assez humides de ce film. Donc ça me marque et ça me touche, quoi. Voilà. Ça a été mon cas, d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Merci Thomas Caillet. Et merci, bravo encore une fois. Thomas Caillet pour le film Le règne animal avec Romain Duris, Adalex Sarkopoulos. Il est en salle en ce moment. Et Le règne animal fait aussi partie des 5 films présélectionnés pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film international l'année prochaine. Donc on croise les doigts pour Le règne animal en salle actuellement, n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment un très beau film. Cette semaine, jouez à Sacolo Basque et gagnez un cadeau, 2 salles, 2 ambiances. Imaginez l'hôtel Le Rivage, un hôtel 3 étoiles à Châtelaillon-Plage, à 15 minutes de La Rochelle. Votre chambre avec balcon vue sur Fort Boyard et les îles d'Aix, Ré et Oléron. Votre petit déjeuner bio servi dans la véranda vue sur mer. Et l'accès à l'espace sauna hammam. Deuxième salle, le Stade Rochelet. Le 11 novembre, l'aviron bayonnais se déplace chez le double champion d'Europe. Et on vous a réservé 2 places pour pousser les ciels et blancs aux côtés de la Peña Bayona. Un week-end de détente et de rugby à gagner en jouant à Sacolo Basque entre 11h et midi. La carte France Bleu Pays Basque. Hop, hop, hop, hop. Allez, je vous vois appeler déjà, mais je suis désolé. Ah, ça sert à rien d'appeler maintenant. Pourquoi ? Parce que la carte France Bleu Pays Basque, enfin, on a réussi. Elle est partie ce matin. Ça s'est passé dans le 6-9 aux côtés de Lucas Isporoy. Écoutez-moi ça. 5 chiffres et 1 lettre pour remporter ce robot multifonction de cuisine Magimix Cook Expert, offert par France Bleu évidemment, et en partenariat avec GSF Bourresmo à Bayonne. Sébastien, t'as voulu jouer ? Allez, on y va. Allez, on vous écoute. Alors, le 5. Le 5, c'est bon. Le 8. D'accord. Le 8. Validé. Le 0. Ok. Le 1. Bon, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, on savait que ça allait, passer. Suspense. Il nous manque la lettre. Si c'est la bonne lettre, vous remportez ce cadeau d'une valeur de 1300 euros. Quelle lettre vous me donnez ce matin ? La lettre U. U. La lettre U, comme Ursula. Ustensile. Unai. Comme vous m'avez dit quoi ? Ustensile. Ustensile. Ah, c'est pas idiot ça. Ustensile. Est-ce que la lettre U vous permet de gagner le Magimix Cook Expert d'une valeur de 1300 euros ? C'est une... Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Sébastien. Est-ce que vous êtes un bon cuisinier? Ah ben je vais pouvoir jeter mes poêles et mes casseroles maintenant. Et vous allez le devenir en tout cas. Vous mettez tout à la poubelle Sébastien. Bon, c'est pour vous, c'est vous qui cuisinez à la maison? Ouais, c'est les deux quand même. Bon, il va falloir s'y mettre. Bon, il arrive à 19h30, voici là ce soir, on s'invite. Hein. Tout le monde, Stéphane Clavry, voici la Guitoune, on est 10 à venir manger ce soir, ok? Parfait. Non, mais c'est grand, Magimix. Oui. Bravo Sébastien. Merci. Merci d'avoir joué avec nous, on vous souhaite une super journée, félicitations à vous. Bravo, ah ouais, beaucoup. Franchement, un grand bravo à Sébastien qui a gagné ce matin dans le 6-9, le Magimix Cook Expert offert par France Bleu Pays Basque et notre partenaire, l'établissement GSF Bourresmo à Bayonne. La carte France Bleu Pays Basque revient très bientôt avec un autre gros cadeau, mais je ne dirai rien, forcément. La carte France Bleu Pays Basque. Ah oui, pour savoir quel sera le cadeau, quel code sera à découvrir, bah, faudra rester à l'écoute de France Bleu Pays Basque. Dans ce jeu, on récompense la fidélité. Gatibou arrive avec Distopicala et Ushkaleria Distopicala, extrait de leur 9e album studio. Ils seront en concert d'ailleurs à Saint-Jean-de-Luz le 21 octobre prochain. Si vous avez de la chance, il reste des places. Mais c'est pas sûr. Astigarraganda, palmera concha, erdizen. Label du marihuani e araban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko subiberoan, feria de abril, durango, Bagnatico, Plazan, Maria Gora, Maria Pera, Espainiako, Basamortu. Distopicala, extrait du 9e album de Gatibou. Le groupe de Guernica sera en concert Saltanka à Saint-Jean-de-Luz samedi 21 octobre. Ce samedi, à partir de 20h. On va retrouver Patrice Gascoin qui nous emmène chaque jour dans les coulisses de la télé. Patrice, aujourd'hui, gros plan sur un retour, celui de l'excellente série policière de France 2, Les Invisibles. Les Invisibles sont de retour pour une saison 3 ce soir sur France 2. Dans la profusion des séries policières, celle-ci ne la manquait pas. Les Invisibles, primé au festival Sériemania, a reçu le prix de la meilleure série policière pour sa qualité, sa crédibilité. Prix décerné par les professionnels de la sécurité intérieure. Si vous la connaissez pas, Les Invisibles, c'est une brigade qui est sollicitée pour des crimes laissant des corps sans identité, des corps que personne ne semble rechercher. Eh bien, la mission de cette brigade est de comprendre qui est cette victime et aussi comprendre qui l'a tué. Et ils n'ont que 7 jours, le délai légal, pour répondre à ces questions. Le héros à la tête de cette brigade, c'est le commandant Darius, joué par le comédien Guillaume Cramoisan. Je lui ai demandé s'il avait conscience de jouer dans une série policière, pas complètement comme les autres, Guillaume Cramoisan. Cette série, dont le canevas est certes un canevas policier avec des enquêtes, avec tout ce qu'il faut pour honorer un petit peu le genre policier, mais moi je trouve que ça dépasse le cadre policier pour toucher un peu plus comme une forme d'humanité en fait. C'est plus pour moi une série humaniste que policière, parce qu'on a affaire à des protagonistes récurrents, à des héros entre guillemets, qui sont pas écrasés sous une couleur de testostérone en fait. C'est plus des personnages qui cheminent, qui cherchent avec leurs erreurs, leurs peines, leurs joies, avec ce qu'ils sont. Ça donne un ton particulier en termes d'écoute, de présence au sein de ces quatre-là et vis-à-vis des gens qui doivent côtoyer au cours de leurs enquêtes. Guillaume Cramoisan à propos de cette série policière, mais pas que, qui fait l'unanimité, Les Invisibles, ce soir sur France 2, et qui va commencer par un coup de pression sur le commandant Darius, joué par Guillaume Cramoisan. Il reçoit de la visite, ambiance. On peut se parler ? Allez-y, je vous écoute. Fatiguez pas avec le rapport, dites-moi directement leurs conclusions, ça va aller plus vite. L'IGPN traîne. On n'est pas venu pour ça, Darius. Vous reconnaissez cet objet ? Non, je devrais. Et cet homme ? Non plus. On l'a retrouvé près du vieux château à Lambersart. Le crâne fracassé. Il avait cette poupée dans la poche de sa veste. Elle a l'air mignonne, cette histoire de petite poupée, là, ça se finit comment ? On a retrouvé votre ADN dessus. Aïe. Pourquoi l'ADN de ce Darius est-il sur cet objet? La réponse avec Guillaume Cramoison et toute cette équipe dans Les Invisibles ce soir sur France 2. France Bleu Pays Basque, le 17-18. 17h52, on fera dans quelques minutes un point sur vos conditions de circulation ce soir. Pour tout souci que vous rencontrez, appelez-nous au 05 59 59 17 17. Si vous êtes dans les bouchons, pour patienter, voici le collecteur du jour, un hymne à l'amour, signé Jean-Jacques Goldman. Pour qui? Pour Céline Dion, Nicolas Les Paul, c'est le fameux pour que tu m'aimes encore, le collecteur du jour. Absolument, un des rares collecteurs francophones à avoir eu du succès dans des pays qui ignorent même où se trouve la France. L'histoire de ce collecteur commence un samedi soir de 1983, où dans l'émission de télévision Champs-Élysées, Michel Drucker présente Céline Dion, une jeune Québécoise de 14 ans dotée d'une voix à couper le souffle. De l'autre côté du poste, Jean-Jacques Goldman, dont la carrière commence à décoller, remarque la jeune fille sans se douter que 10 ans plus tard, il sera encore fasciné par ce talent. Les années passent, et dans le début des années 80, Goldman, qui a travaillé avec les plus grands, décide d'écrire pour Céline Dion. Pour ce faire, il a besoin de s'immerger dans l'univers de la chanteuse, alors il lit tous les articles et écoute toutes les interviews de Céline. Goldman découvre une femme entière, investie corps et âme dans une relation amoureuse impossible, une femme qui a mené un combat pour que son couple existe au grand jour. C'est ce trait de caractère qui va lui inspirer Pour que tu m'aimes encore. Il écrit alors un texte où une amoureuse est prête à tout pour conquérir l'homme de sa vie. Cette histoire, c'est celle de Céline Dion et de son mari René Angélil. Quand Goldman se sent prêt, il appelle le couple. Il a préparé une douzaine de compositions qu'il veut leur présenter. Fait unique dans sa carrière, c'est la première fois que Goldman contacte lui-même une artiste pour lui proposer ses compositions. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Nicolas Les Paul. Père se retrouve dans un petit studio, Jean-Jacques Goldman chante des chansons les unes après les autres, et quand il termine Pour que tu m'aimes encore, Céline et René sont en larmes. Surpris, Goldman avoue qu'il n'aurait jamais parié sur cette chanson, ce sera pourtant le titre de l'album. Cet hymne à l'amour des temps modernes devient immédiatement un hit sur les 5 continents. En France, Pour que tu m'aimes encore sera numéro 1 des ventes pendant 3 mois, ce qui transforme alors la chanson en un collector qui met tout le monde d'accord. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts. vous étiez pareil dans la voiture. Ne me mentez pas, je vous entends d'ici. Céline Dion, pour que tu m'aimes encore, c'est le collector du jour à réécouter en podcast sur l'appli Radio France et sur francebleu.fr. 17h57. Vos conditions de circulation ce soir, qu'est-ce que ça donne? Voyons cela avec l'ami Marc-André de l'auto-école Starter, notre partenaire sur les routes. Bonsoir Marc-André. Bonsoir mon ami David, qu'est-ce que vous chantez bien? Ah merci, c'est un plaisir. Encore, j'étais pas à fond là. Heureusement. Ouais, heureusement, quelque part. Il y a du soleil, profitez-en encore un peu. Qu'est-ce que ça donne ce soir sur les routes, Marc-André? Ah ben, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est un peu catastrophique ce soir. Hein. Ouais. Depuis 16h30, là, ça s'est densifié. Et si les gens pouvaient éviter de venir du carrefour de Bernin jusqu'à l'avenue, prendre l'avenue, le rond-point Melvin-Lynch et remonter sur la route de Cambo, ce serait très très bien parce que c'est archi bouché, y compris devant mon bureau là. Je viens d'arriver et c'est catastrophique. Vous avez entendu, il ne peut pas rentrer à la maison Marc-André, donc arrêtez maintenant. Non, ben, les bouchons. Je finis très tard, vous inquiétez pas, j'ai le temps. Oui c'est vrai d'ailleurs, cassez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres points chauds, Marc-André? Ouais, ben le point chaud, c'est toujours le rond-point du Mousse. Et même quand on arrive de Saint-Jean-de-Luz, on bouchonne, ça bouchonne jusque à peu près du ben, je peux y arriver. De la Négresse jusqu'au rond-point du Mousse. D'accord. Ouais. Mon moniteur vient d'y passer. Et quand on arrive de la route de Leclerc, là, tout ça, c'est archi bouché de partout. Donc là, je crois que ce soir, il faut prendre son mal en patience. Allez, une demi-bonne nouvelle. Une fois qu'on a passé Jean Daugé, on n'a pas de bouchon jusqu'à arriver au Grand Basque. Pratiquement, bon. C'est sur les, 400 derniers mètres que ça bouchonne. Fallait au moins finir sur une bonne note. Merci Marc-André. Bon courage sur les routes et soyez prudents surtout. Ouais. Et ne chantez pas, demain, je travaille pas. Non, non, bah, j'arrête. Promis, j'arrête. Ok, merci, c'est gentil. Bisous Marc-André. Adieu. Ciao. L'info trafic 100% local avec les cabinets orthopédiques FLD, Appuyot, Dax et Florac. Du 19 au 21 octobre, c'est Théâtre en Rose au Colisée de Biarritz, un événement inédit, 100% caritatif, parrainé par Anne-Sophie Lapix. Théâtre en Rose au profit des associations Ligue 64, Keeper Brest et Optimiste. Au menu de ces journées, du théâtre avec la comédie Noce d'Or, trois représentations à 20h30. Et dans le cadre d'Octobre Rose, participez à des expos, des rencontres et des conférences. Du 19 au 21 octobre, c'est Théâtre en Rose au Colisée de Biarritz, un événement soutenu par France Bleu Pays Basque. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie, à ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie, de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. 18h tout juste sur France Bleu Pays Basque, voici le journal. Avant le mag 100% Coupe du Monde, on retrouve Simon Cardona pour l'info. Bonsoir Simon. Bonsoir David, on a quelques gouttes de prévues cette nuit. Ouais, c'est ce que nous annonce Météo France, des pluies éparses qui vont se produire en milieu de nuit. Heureusement, pour demain jeudi, il n'y en aura plus. Le soleil fera de belles apparitions tout au long de la journée. Il y aura un petit peu de vent qui va souffler dans l'après-midi. 85 km/h de rafale attendue, ça donne des températures comprises entre 12 et 14 degrés le matin, 20 sur le relief l'après-midi, partout ailleurs entre 24 et 25. La colère du ministre de la Justice après de nombreuses alertes à la bombe. Aujourd'hui, 9 aéroports, dont celui de Biarritz à la mi-journée, ont été évacués. Même scène au château de Versailles et dans des établissements scolaires. Beaucoup d'entre eux, comme l'aéroport Biarritz, ont reçu un mail inquiétant parlant d'une bombe. L'opération d'évacuation a duré un peu plus d'une heure. À Biarritz, le trafic n'a pas été perturbé. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, promet que ces petits plaisantins, ces petits guignols qui s'amuse avec ses fausses menaces seront retrouvés et seront punis. Il a disparu depuis plus d'une semaine. La police de Saint-Jean-de-Luz recherche un adolescent de 17 ans qui a quitté son domicile de Cibourg lundi 9 octobre. Il est parti sans téléphone, sans argent. Le garçon souffre de troubles autistiques. Il comprend le français mais ne parle que l'espagnol. Vous avez sa description complète et l'avis de disparition sur francebleu.fr. Manifestation réussie pour ELB et l'Oursin de Dia. Le syndicat agricole et l'association peuvent crier victoire. À la mi-journée, devant un cabinet de notaire à Bayonne, ils ont pu obtenir l'annulation de la vente d'une propriété de 4 hectares à Saint-Pé-sur-Nivelle, des terres agricoles vendues à une personne travaillant dans l'immobilier. Acheteurs et vendeurs doivent se réunir de nouveau dans les prochaines semaines pour revoir la vente et laisser aux terres un usage agricole. À Hendaye, la douane a saisi 468 kilos de cannabis en début de semaine. 400 kilos de résine, 68 kilos d'herbe dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une opération à la frontière. On l'apprend aujourd'hui, la saisie dépasse le million d'euros. Deux hommes de 31 ans étaient à bord du véhicule. Ils sont désormais visés par une enquête de l'Office français anti-stupéfiants. Au Proche-Orient, l'aide humanitaire peut de nouveau accéder à la bande de Gaza, bombardée depuis plus d'une semaine par Israël. Les soignants, les ONG devront passer depuis l'Égypte pour secourir la population palestinienne. Le bilan français est de 24 morts. 7 Français sont toujours portés disparus. Et sur la question des manifestations pro-palestiniennes, le Conseil d'État désavoue la décision du ministre de l'Intérieur. Oui, le Conseil d'État rappelle à Gérald Darmanin et au gouvernement que c'est au préfet d'apprécier au cas par cas une possible interdiction en raison de troubles à l'ordre public. Il y a une semaine, Gérald Darmanin avait adressé un télégramme au préfet pour leur donner consigne d'interdire systématiquement toute manifestation pro-palestinienne. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne utilise une nouvelle fois le 49-3. Depuis sa prise de fonction, la Première ministre l'a utilisé 13 fois. Aujourd'hui, Elisabeth Borne décide d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sans vote la première partie du projet de budget 2024. La France insoumise et le Rassemblement national vont déposer une motion de censure. Et puis en rugby, David, une affaire encore plus triste que la défaite des Bleus à la Coupe du Monde dimanche soir. On apprend aujourd'hui que l'arbitre de la rencontre, Ben O'Keefe, est depuis le début de la semaine victime d'une vague de harcèlement, de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Le Néo-Zélandais a par exemple été contraint de fermer son compte Instagram à cause de messages de haine à chaque nouvelle publication. World Rugby, en tout cas, lui a renouvelé sa confiance puisque Ben O'Keefe arbitrera la demi-finale Angleterre-Afrique du Sud, ce sera samedi. Non mais là, je veux bien qu'on ait le seum les Français, mais là, faut arrêter. Hein. Arrêtons les messages de haine, ouais, surtout s'il vous plaît. Sur les réseaux sociaux. Oh, partout, partout, sur les réseaux sociaux, en vrai, arrêtez, ça sert à rien, c'est que du rugby. La météo ce soir. Ce soir, il y aura un petit peu de pluie dans la nuit, nous prévient Météo France, mais très légèrement, c'est demain que le temps sera plutôt sympathique. La météo 100% locale, avec IGC, constructeur de maisons depuis 40 ans. Retrouvez-nous sur www.igc-construction.fr. Pour demain jeudi, c'est du soleil qui fera de belles apparitions tout au long de la journée, un petit peu de vent dans l'après-midi avec des rafales attendues tout de même à 85 km/h et des températures qui monteront jusqu'à 25 degrés. Voilà pour la météo, 18h05, on a rendez-vous avec l'équipe de France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de ce mardi soir, de ce mercredi France soir, Bleu, c'est maintenant. Le MAG 100% Coupe du Monde de rugby, Dominique Bourdeau. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accompagner sur toutes vos franges bleues pour ce MAG 100% Coupe du Monde de rugby, dans lequel on va ce soir encore mouiller le maillot, même si le 15 de France a malheureusement trop tôt quitté la compétition. Et ce maillot, c'est évidemment celui des Bleus, fabriqué par le coq sportif, dont le PDG est notre grand témoin ce soir. Bonsoir Marc-Henri Bossier. Bonsoir. Et merci d'être en duplex avec nous depuis la maison de la radio. Donc nous, on va continuer cette Coupe du Monde de rugby avec vous, pour vous et vous. Est-ce que vous avez prévu d'être devant votre télévision ce week-end pour les deux demi-finales de la Coupe du Monde? J'attends vos commentaires en direct au 0810 055 056. Les Bleus du foot ont attendu bien longtemps, eux, avant de devenir champions du monde. On fera quelques parallèles avec l'un des champions du monde 98, Vicente Lizarazu, consultant football de Radio France, qui sera avec nous avant 18h30. Je salue notre spécialiste rugby, Arnaud Carré. Salut Arnaud. Salut Dominique. Un MAG 100% Coupe du Monde que vous suivez sur Noah, chaîne de France 3, disponible sur toutes les boxes et bien sûr sur francebleu.fr. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby. Et on va retrouver Marc-Henri Bossire, le PDG du Coq Sportif, dans un instant. Mais l'actu du jour, d'abord, Arnaud Carré, elle est malheureusement plutôt en dehors du terrain. Oui, avec un contexte international pesant, avec l'attentat de Bruxelles en marge du match de foot Belgique-Suède. La sécurité était, Dominique, au cœur de la conférence de presse des organisateurs de la Coupe du Monde ce midi. Mais pour le président de France 2023, Jacques Rivoal, le passage en France du plan Vigipirate renforcé au niveau urgence attentat ne changera finalement pas grand-chose pour les deux demi-finales du Stade de France et sur les deux derniers villages rugby qui seront ouverts ce week-end à Saint-Denis et à Paris. Jacques Rivoal. On avait déjà des process qu'on avait mis à un niveau maximum avec un système de double contrôle. Il y a un premier contrôle visuel des spectateurs pour vérifier les sacs, les manteaux, etc. Et puis ensuite, il y a un deuxième contrôle sous forme de palpation. Donc ça, on l'avait déjà depuis le début de la Coupe du Monde. Donc la sévérisation des mesures Vigipirate n'a pas impacté ça. En fait, le renforcement, la sévérisation de ces mesures, c'est que ça permet de mobiliser plus de forces de sécurité. Donc c'est plutôt pour nous un élément supplémentaire de sécurisation de la fin d'expérience. Donc ça n'a pas changé nos process internes. Bien sûr, on est toujours très très très vigilant et très concentré. Et le message qu'on passe toujours à nos spectateurs, c'est de prendre des précautions pour venir le plus tôt possible dans le stade. Le président de France 2023, Jacques Rivoal. Côté terrain, l'Argentine vient tout juste de dévoiler, Dominique, la composition de son 15 de départ pour la première demi-finale vendredi face à la Nouvelle-Zélande. Pas de surprise et quelques têtes bien connues de notre top 14. Le Lyonnais Gomez Codella, le Bordelais Petit, le Clermontois Lavanini, le Toulonnais Isa ou encore le duo Toulousain Chocobarès Malia seront tous présents au coup d'envoi. La compo des All Blacks, elle, sera connue d'ici une demi-heure. C'est quand même toujours plus agréable de parler du terrain, Arnaud Carré. Marc-Henri Bossire, PDG du Coq Sportif, mille merci une fois encore d'être avec nous. Comme pour tout l'environnement économique du rugby, l'élimination des Bleus, elle arrive bien trop tôt pour vous qui êtes l'équipementier du 15 de France depuis 2018. C'est plein d'émotions depuis dimanche soir. Il y a l'émotion du supporter qui suit cette équipe et qui vibre avec cette équipe depuis maintenant 4 ans, presque 5 ans, qui a vu des exploits incroyables. Je les ai suivis en Angleterre, je les ai suivis même au Japon au tout début de l'aventure quand il y avait aussi une défaite d'un point. Donc d'abord, j'ai eu besoin de digérer tout ça, comme tout le monde, je pense, parce que voilà, c'était une possibilité fantastique de donner du sourire, du soleil, et surtout des belles valeurs dans cette période-là qu'on connaît assez difficile encore sur votre intro. Donc, ça c'est la première des choses. Après, il y a le business, bien entendu. Il faut revenir aux choses rationnelles. Je crois que notre Coupe du Monde, cette Coupe du Monde pour le Coq Sportif est largement réussie. On a aujourd'hui vendu près de 260 000 pièces de maillots. On a une précommande, donc quand les clients l'année dernière se sont positionnés, ils ont acheté à peu près pour 60 000 pièces, ce qui correspond au business usuel d'une opération de ce type-là pour une fédération majeure. Et nous, on est arrivé à 260 000. Donc, vous dire que c'est un échec, non, bien entendu. C'est même une très, très, très belle réussite. On la doit, bien entendu, à tous ceux qui ont amené l'équipe à ce niveau-là sur les 4-5 dernières années, puisqu'on a suivi ça. On le doit à tous ces supporters qui suivent, au rugby amateur aussi, auquel nous, on a consacré tout un programme pendant 5 ans. Donc, voilà, c'est au final une très belle réussite. Encore un petit peu difficile 2-3 jours après d'être super positif, joyeux et dire que tout va bien. Non, on a quand même à un moment donné de déception. Ouais. On a pris un coup derrière la tête quand même, Arnaud Carré. Oui. Est-ce que vous avez réussi à mesurer le manque à gagner par rapport à un 15 de France qui serait allé jusqu'au bout de cette Coupe du Monde? Bon, je prendrais d'abord le budget initial. On avait prévu 9 millions au global de vente. On a dépassé les 20. C'est des royalties pour la FFR. C'est une contribution que l'on peut donner à la FFR. Donc, si vous voulez, je suis pas dans cette idée de manque. Aujourd'hui, on était resté dans une idée. Si on peut mettre une cerise sur le gâteau, ça va être fantastique. Voilà. Et elle est pas là. Je l'avais pas chiffrée pour pas avoir trop envie. Pour vous, c'est un pari réussi, Marc-Henri Bossière, PDG du Coq Sportif, on l'entend bien. Vous êtes partenaire du 15 de France depuis 2018, vous l'êtes jusqu'à quand? Et si c'est à court terme, est-ce que les discussions ont déjà repris? Alors c'est fin, notre contrat c'est fin 2024 après les JO, donc le rugby à 7 qu'on va encore accompagner avec bonheur. L'aventure... En 2018, c'est une fédération qui doit être sixième, qui a des résultats en berne, qui a des polémiques entre les clubs de top 14 et enfin la Ligue nationale et l'équipe de France. C'est les stades qui sont vides ou en tout cas qui se font challenger sur les stades vides. Je me rappelle des premiers matchs auxquels j'ai assisté. Aujourd'hui, on finit 5 ans avec une équipe formidable. Oui, on a loupé cette dernière marche, mais il y a eu des exploits formidables. C'est la nation numéro 3, sauf erreur, toujours. C'est des licenciés de plus 20% sur les 5 dernières années. On a fait des records de vente par rapport à tous les équipementiers qu'on a pu avoir. Donc, pour moi, c'est clairement une opération qui était formidable pour notre notoriété, formidable pour notre retour à un certain plan et montrer notre industrie. Et vous avez repris les discussions déjà pour la suite ou pas encore? Alors, on ne devrait pas le dire. Mais je crois que quelqu'un l'a annoncé déjà au printemps et donc c'est sorti dans les journaux et c'est Adidas qui va reprendre. Voilà. C'est pas un scoop, c'est sorti en printemps, mais voilà. Marc-Henri Bossier, le PDG du Coq Sportif, est notre invité jusqu'à 18h30. On est rejoint par un champion du monde 98 dans quelques minutes, Bichente Lizarazu, consultant foot de Radio France. Et j'ai à vous offrir ce soir le jeu Pro Cup de la Fédération Française de Rugby. Vous nous appelez au 0810 055 056, jeu de société qui vous permettra de jouer autour du rugby en famille. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la boîte est un tout petit peu plus grosse que d'habitude ce soir. Si j'étais vous, je sauterais sur le téléphone. Le symbole sur le maillot des All Blacks, puisqu'on parle des maillots avec le Coq Sportif ce soir, est-ce que c'est la fougère, la rose ou le chardon? 0810 055 056 pour gagner le jeu Pro Cup de la Fédération Française de Rugby. En attendant les demi-finales, Argentine-Nouvelle-Zélande, Angleterre-Afrique du Sud, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby sur France Bleu. Marc-Henri Bossier, PDG du Coq Sportif, le maillot de l'équipe de France de rugby, il est fabriqué comme toutes les autres disciplines, parce qu'il est quand même soumis à rude épreuve durant une rencontre, un maillot qui est fabriqué en France d'ailleurs. Exactement, c'était la proposition à la fédération. Notre projet depuis 10 ans, c'est retrouver du savoir-faire textile en proximité, majoritairement en France, mais aussi et notamment au Maroc pour une partie du business. Et l'un aide à développer l'autre. Donc aujourd'hui, notre maillot de rugby des équipes de France s'est fait en France. Oui, c'était un vrai projet et je remercie les dirigeants de la fédération de nous avoir fait confiance parce que ça n'existait pas effectivement ce type de technologie pour refaire des maillots de sport performance n'existait plus en Europe ou très très peu. Et donc de le réindustrialiser en France, c'était un énorme challenge que la fédération a relevé avec nous ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, oui, le résultat est probant. On a eu toujours des très beaux maillots et des très belles ventes. Arnaud Carré. Hier, dans cette émission, le président de la Fédération française, Florian Grill, a évoqué la très possible participation d'Antoine Dupont au JO de Paris. Pour vous qui êtes l'équipementier des équipes de France olympiques, ce serait une très bonne nouvelle? Bien sûr. Ça me regarde pas trop parce que voilà, je suis plutôt spectateur dans ce cas-là. Nous, les Jeux Olympiques, donc c'est un autre sujet qui est en train de s'ouvrir puisque c'est notre année d'équipementier autant dans la performance que sur les tenues de podium. Il y a un très très gros travail qui est en train d'être fait là-dessus. Antoine Dupont. Alors personnellement, je l'ai rencontré il y a quelques années. J'adore la personnalité, j'adore le joueur. Partout où il sera, c'est une plus-value pour tout le monde, y compris pour nous, bien entendu. Et ce rugby à 7, qui concerne, comme le rugby à 15 évidemment, les équipes masculines et féminines, vous êtes sur les deux 15 de France et deux 7 de France, Marc-Henri Bossier? On équipe toutes les équipes, hein, que ce soit D'accord. des jeunes jusqu'au 15 de France. Et les féminines, bien entendu, avec un très beau programme qu'on a aussi mené sur les dernières années. Et puis, on avait ajouté, et c'était notre plus-value, un programme avec le rugby amateur où 1400 clubs chaque année pouvaient obtenir un maillot gratuit de chez nous, personnalisé. Et c'est un programme qui a formidablement bien marché. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby. Dans la direction de la Bretagne avec France Bleu, Brésil et Ernest qui est avec nous. Bonsoir Ernest. Oui, bonsoir. D'où nous appelez-vous précisément Ernest? J'appelle du côté de... En fait, nous sommes situés près du côté de Douarnenez, si ça vous dit quelque chose. Douarnenez, bah oui, c'est Bretagne. Bretagne, évidemment. Enfin, voyons Ernest. Dites-moi, voilà. Quel est le symbole sur le maillot des All Blacks? C'est la fougère. La fougère, absolument fougère, qui est un symbole national officieux de la Nouvelle-Zélande. Je vous offre avec beaucoup de plaisir, Ernest, le jeu Pro Cup de la Fédération française de rugby. Et figurez-vous que on a ouvert un peu la boîte par curiosité, Ernest, et à l'intérieur, vous avez en plus un maillot de l'équipe de France de rugby. Oh là là, c'est génial. Ben, merci beaucoup, c'est super. Je suis ravi. Ben, avec grand plaisir. C'est toute la famille du rugby qui se met ensemble pour vous offrir ce maillot de l'équipe de France, Hermès, fabriqué donc par l'équipementier du coq sportif, comme Marc-Henri Bossière vient de nous l'expliquer. Ok? Ben, c'est super, merci beaucoup. Vous allez regarder les demi-finales? Ah ben oui, même si l'équipe de France est éliminée, on regarde parce que le spectacle est au rendez-vous, donc c'est génial. On va peindre un des maillots en bleu, hein, comme ça, on aura l'impression de les voir. Merci Ernest, du côté de Douarnenez, on salue France Bleu, Brésil. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby. Marc-Henri Bossière, PDG du Coq Sportif, je crois que vous équipez l'aviron bayonnais également, mais là on va faire une étape à Saint-Jean-de-Luz, si vous le voulez bien, pour joindre Bichente Lizarazu. Bonsoir Bichente. Bonsoir. Merci d'être avec nous, consultant football de Radio France, mais enfin quand on est natif de Saint-Jean-de-Luz, forcément le rugby ça parle. Oui, moi je sais pas pourquoi j'ai fait du foot en fait, hein, parce que ici on va direct au rugby en fait. J'ai dû faire, je sais pas, un blocage, je n'en sais rien. Mon frère a fait du rugby, il a joué à Bègles en première division, mon père jouait au stade Andaillé, et moi je suis le dissident de la famille, quoi. J'ai fait ma révolution et j'ai décidé de choisir un autre ballon. Voilà, mais pour autant j'ai toujours aimé regarder le rugby, sur le rugby en particulier évidemment l'équipe de France. Et donc j'ai regardé cette Coupe du Monde. J'étais au stade pour le match entre l'équipe de France et les box. J'étais aussi au stade pour la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande. J'étais aussi au stade pour France-Nouvelle-Zélande en ouverture. Donc je suis cette Coupe du Monde de près et au stade. Et dans quel état vous imaginez les Bleus quelques jours après? Alors Marc-Henri Bossière nous disait en début d'émission, c'est beaucoup d'émotions. Alors pour les joueurs, là, vous les imaginez comment? Ben ils sont c'est dans une forme de dépression, hein, parce que c'est horrible de se faire sortir de la compétition comme ça, à un point de différence. Moi je suis convaincu que on avait l'équipe pour être champion du monde, on avait les joueurs pour être champion du monde, et donc dans ces cas-là on a encore plus de regrets d'être passé à côté, parce qu'une Coupe du Monde à domicile, ça arrive une fois dans une vie. Je sais ce que c'est, et moi j'ai beaucoup de regrets. Je suis vraiment très triste pour eux. Donc là, évidemment que pour les joueurs c'est terrible. Ils se ressassent, j'imagine, toutes les situations du match, et il va falloir un certain temps avant d'évacuer et de pouvoir se projeter sur autre chose. Arnaud Carré, vous avez connu à titre personnel ce genre de désillusion. On pense notamment à la demi-finale de l'Euro en 96. Deux ans plus tard, vous montez sur le toit du monde. En quoi ce genre de passage difficile dans une carrière peut aider les joueurs du 15 de France? Je rappelle que l'équipe de France de foot est éliminée au pénalty en demi-finale de l'Euro 96. Alors on est à un point près là aussi, hein, Bichente. Ouais, alors après, je pense que c'est différent parce qu'on était au début de la construction de notre équipe, de notre génération avec Aimé Jacquet. Voilà, on sortait de 93, la Bulgarie, l'élimination, on n'avait pas fait la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc, c'était déjà pas si mal de faire une demi-finale à l'Euro, même si en effet, on aurait pu aller plus loin. Et après, bon, voilà, après, il y a eu la Coupe du Monde.